Peut-être d'autres mères. Elle ne se droguait pas. Mais son petit copain, elle ne se droguait pas. Elle ne se droguait pas.